vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. David Ferron viendra nous faire sa chronique spéciale La carte glitchée et peut-être même le Zone Campus. Pour ma part, je vais essayer de rendre l'expérience de la deuxième journée de remplacement de Mathieu Plante encore plus merveilleuse qu'hier. Assemblage requis commence tout de suite. Aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 21 mars 2017, 37 jours avant la fin de l'année scolaire. Hier, vous l'aurez deviné, il en restait 38, alors tenez bon, il n'en reste pas beaucoup. Ça veut dire que dans pas long, on va comme tomber en fin de session pour plusieurs. Ça va être la folie des examens, ça va être la folie des études aussi, mais je vous mets pas trop de pression, gardez ça comme vous faites ça présentement parce que ça a l'air de super bien aller. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières, je m'appelle Tania Baudin, en remplacement complet de Mathieu Plante. Si vous n'étiez pas des nôtres, malheureusement, hier, eh bien, vous avez manqué la discussion téléphonique avec Mathieu Plante qui nous expliquait pourquoi est-ce qu'il est absent pendant un petit bout. Mathieu a décidé de faire des prouesses de patinage artistique sans patin dans la rue. Alors malheureusement, il s'est cassé quelques os, ce qui fait en sorte qu'il reste chez lui. Mais on va faire en sorte que tout se passe bien. On va faire notre gros possible pour que l'émission reste quand même dans les normes d'assemblage requis. Merci entre autres à Renard Frac pour notre thème d'émission qui a été remanié par eux. J'espère en fait que vous allez avoir une belle émission aujourd'hui. Pour justement discuter un petit peu du plan de l'émission, eh bien on va y aller un petit peu dans la même thématique qu'hier parce que bon, vous savez Mathieu, tu n'es pas là et j'ai comme décidé d'en... Je ne veux pas nécessairement dire que j'ai décidé de changer la facette de l'émission au grand complet. Non, c'est vraiment pas ça. Mais malheureusement, il y a certaines chroniques que Mathieu fait extrêmement bien par lui-même que je ne veux pas nécessairement reprendre. Alors, j'ai quelques nouveautés pour vous, en fait, quasiment. C'est presque 1h30 de Tania is gonna entertain ya ce matin. On va avoir, comme hier, un bloc nouvelle. Ce qui a retenu mon attention hier dans les différents médias, est-ce que ça l'a parlé hier durant les... Pas nécessairement les nouvelles, mais parfois, dans les découvertes, mettons. Par la suite, on va faire vraiment un Tania is gonna entertain ya, oui, pardon. On va apprendre à gérer son temps parce que je sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose que j'ai parfois de la difficulté à faire ou d'autres fois, je sais trop bien le faire. C'est soit un ou soit l'autre. Mais avant tout ça, on va aller écouter d'abord Émile Bilodeau avec la pièce « Tu me dirais-tu ». Une pièce qui a fait son entrée au palmarès francophone déjà depuis quelques semaines, mais qui s'est grimpée au top depuis quelques temps. Alors on écoute ça, on se retrouve tout de suite après. Ben oui, mais c'est sûr en plus que ça irait beaucoup mieux si la pièce qu'il jouait était la bonne pièce. Parce que vous savez, celle qu'il joue présentement, c'était « J'en ai plein mon casse », une autre pièce qui a déjà joué au palmarès francophone, qui a déjà été top 1 d'ailleurs, mais celle qu'on voulait vraiment entendre, c'est « Tu me dirais-tu » d'Émile Bilodeau. Alors on va aller écouter la bonne. Si la vie c'est de la marde, ben j'ai fourni en laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, pourquoi qu'on est aussi craintif? Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio, un condo, un short pis une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. « Nos soirées sont un peu poches, puis nos nuits sont remplies de rêves. Y'en a des petits, y'en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque. Y'en a qui font des métaphores, genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde un peu trop loin. Un peu trop loin. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler qu'il pleut d'or. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça. Ça fait un bon moment, en fait ça fait 2 mois. Sur une scène, je suis tellement bien devant des millions de gens. Mais devant toi, c'est fou de voir à quel point je suis pas pertinent. Je t'ai écrit une chanson, mais j'ai pas trouvé de titre. J'ai voulu mettre ton nom, mais je sais que c'est pas fantastique. Fait que ça fait une couple de jours que j'ai de la misère à me coucher. Je suis tombé en amour, puis ça me fait un peu chier. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors. Si la vie est heureuse, c'est parce que je l'aurais fait bien rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas bien beau, c'est un peu sale, on est-tu bien à Montréal? Une petite guitare, 2-3 pétards, pour moi c'est ça le monde idéal. Des décisions, des auditions, les bons amis, la jalousie, la déception, l'admiration, mais j'ai pas le temps, faut que j'étudie. Pour être quelqu'un, pour être quelque chose, faudrait que je me botte le cul. Pour finalement mourir chauve, qu'on soit tout un peu déçus. Un peu déçus. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Émile Bilodeau avec la pièce « Voulez-vous rire? » C'est même pas la même pièce que je voulais vous faire jouer. C'est un peu triste, hein? Mais inquiétez-vous pas, je vais vous la faire jouer d'ici la fin de l'émission. Celle que vous venez d'entendre, c'est « Dehors » d'Émile Bilodeau. Une autre pièce, je pense que le CD complet, en fait, d'Émile Bilodeau tient de bonnes choses et on pourrait quasiment passer toute l'émission à écouter ce CD-là parce que c'est quand même des paroles qui sont vraies, qui sont... je dois dire, quand même assez touchante à certains moments. Donc, c'était « Dehors » d'Émile Bilodeau, mais un petit peu plus tard dans l'émission, ne vous inquiétez pas, je vous ferai entendre « Tu me dirais-tu », celle que je voulais, avec laquelle je voulais commencer l'émission. Mais pour commencer l'émission ce matin, je me suis dit « Pourquoi pas, on va faire ça un petit peu, pas nécessairement différemment, parce qu'on l'a fait hier. J'ai lu quelques nouvelles durant la journée hier, souvent des nouvelles qui font pas nécessairement la une dans les médias, et j'ai trouvé quelques intéressantes, voilà, découvertes par rapport à tout ça. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous en faire part? Vous savez, la semaine dernière, je pense qu'on ne peut pas passer à côté maintenant. Il y a tellement de médias qui en ont parlé, puis tout ça. La fameuse tempête de neige qui a été déclarée quasiment de tempête du siècle. À certains endroits, c'était vraiment pas super beau. Mais il y a quelques questionnements qui sont sortis de cette fameuse tempête-là, parce qu'il y a des gens qui sont restés pris sur l'autoroute 13 pendant toute la nuit. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant, c'était une situation d'urgence quand même assez farfelue à un certain point, parce que bon, tu te retrouves avec une centaine de personnes coincées dans des véhicules sur l'autoroute 13. Il y a des personnes qui malheureusement sont retrouvées, qui ont été retrouvées mortes dans leur voiture ensevelies sous la neige. Donc la tempête qui est tombée sur le Québec la semaine dernière, ça l'a comme rappelé en fait au Québec une bonne importance, surtout pour les automobilistes, de prendre certaines précautions quand la météo se déchaîne comme ça en hiver, parce qu'on se dit souvent « Bah, tu sais, non, c'est pas grave, je suis Québécois ou je suis Québécoise, il devrait pas y en avoir de problème, je sais comment ça fonctionne la neige. » Et pourtant, lorsqu'on arrive devant certaines situations comme celle-là, on est comme pris au dépourvu un petit peu parce qu'on sait pas nécessairement quoi faire ou comment le faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on respire dans notre voiture? Est-ce que c'est un cas de carambolage? Déjà, important, le plus important, c'est de protéger notre santé, notre sécurité. Et c'est ce que dit une des porte-paroles de CAA Québec, qui est Annie Gauthier. Donc, dans la voiture, on a une certaine protection si on est coincé dans un carambolage. C'est sûr que si le véhicule, par exemple, prend feu ou ce genre de situation-là, bien, on doit sortir vraiment sans attendre. Comme on l'a vu, par exemple, dans le carambolage la semaine dernière, il y a certaines conditions qui étaient tellement mauvaises que c'était tout simplement préférable d'appeler les secours et d'attendre dans sa voiture. Donc ça, c'est le genre de carambolage qui peut être très différent. C'est sûr que si on a un carambolage tout simplement accidentel, là, dans le style où il n'y a pas de catastrophe naturelle comme la tempête de neige de la semaine dernière, ça change un petit peu les choses. C'est sûr qu'on va y aller tout simplement pour notre propre protection. Mais par exemple, si on est pris sous la neige, comme la semaine dernière, là, avec de très grosses bordées, bien, dans la mesure où on n'est pas sur une autoroute ou si les véhicules autour de nous ne roulent pas très vite, bien, il n'y a pas de danger autour de la voiture pour qu'on voit un endroit pour se mettre à l'abri ou encore on peut sortir de la voiture justement pour pouvoir voir autour, avoir une meilleure vue pour voir où est-ce qu'on peut se mettre à l'abri justement. Alors sinon, on reste dans sa voiture, on appelle les secours. C'est sûr que si on est comme la semaine dernière, je pense qu'on est pas mal nombreux à appeler les secours en même temps. Parce que c'est sûr que si vous vous êtes retrouvé sur l'autoroute 13, d'après moi, il n'y a pas seulement une personne qui a appelé les secours la semaine dernière. Mais si on ne peut pas s'assurer justement que le pot d'échappement va être dégagé en tout temps, c'est préférable de couper le moteur. C'est sûr qu'en temps de neige, il va commencer à faire froid. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens d'avoir un bon manteau, d'avoir des bottes, des couvertures. Apparemment que c'est une très bonne chose que d'avoir une petite pelle et une lampe de poche toujours avec nous dans sa voiture. Il y a des gens qui gardent aussi une chandelle dans leurs automobiles. C'est pas nécessairement recommandé d'utiliser une chandelle pour certaines raisons de sécurité, mais c'est sûr qu'en temps de crise comme celle-là, si tu as juste une chandelle dans ta voiture puis tu veux avoir à un certain point chaud, j'imagine, ou de la lumière, c'est sûr que tu peux l'utiliser. Il faut tout simplement garder en tête qu'il faut être... qu'il faut faire attention, hein? Disons ça comme ça, on va dire les vraies affaires. Niaise-moi pas avec cette chandelle-là. Fais pas en sorte que l'auto va prendre en feu. C'est surtout ça l'idée qu'on se dit, en fait, de pas avoir une chandelle recommandée dans une voiture. Mais apparemment, il y a quelques années, c'est quelque chose qui se faisait souvent. Donc, la question qui est revenue le plus là, après la tempête de la semaine dernière, c'est est-ce qu'on doit couper le moteur du véhicule dans lequel on se retrouve dans un temps de crise, quasiment de catastrophe naturelle, comme celui qu'on a vu la semaine dernière, bien, c'est pas nécessaire. Il y a certaines recommandations, c'est sûr, comme par exemple de baisser légèrement une vitre pour qu'on s'assure d'avoir une bonne circulation d'air dans le véhicule, même s'il fait moins 30. Là, on ne vous parle pas de l'ouvrir au grand complet, votre vitre. On parle vraiment juste d'un petit peu pour pouvoir avoir une bonne circulation. Par la suite, on s'assure, comme je le disais tout à l'heure, que le pot d'échappement va être bien dégagé. Donc, il n'y aura pas, de la fumée qui va revenir dans le véhicule ou que certains... qu'il n'y aura pas de gaz, en fait, dans le véhicule. Faut être logique. Par la suite, on va faire rouler le moteur de 15 à 20 minutes pour réchauffer l'habitacle. Donc, l'endroit dans lequel on se trouve, là, lorsque vous êtes dans votre véhicule, ça s'appelle un habitacle, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, on va essayer de faire rouler, en fait, le moteur de 15 à 20 minutes, oui. Et on peut le faire à plusieurs reprises. Donc, tu le fais rouler 15 à 20 minutes, par la suite, tu l'éteins et la chaleur qu'il va y avoir à l'intérieur du véhicule va quand même rester là pendant un bon moment. Par la suite, c'est sûr, tu fais pas ça aux 20 minutes, là. T'attends quand même à un certain moment parce que selon l'utilisation du gaz que tu as déjà utilisé lorsque tu arrives puis tu es pris dans un carambolage, c'est sûr que tu dois prendre ça en considération. Donc, par la suite, on va couper le moteur, on va rester au chaud sous une couverture. Donc, on suggère en fait aux gens de toujours avoir une couverture avec soi en véhicule, surtout l'hiver. C'est sûr que si t'es l'été, tu te dis, bah, ça sert pas nécessairement à grand-chose d'avoir une couverture, à moins que tu ailles faire un pique-nique aux 2-3 jours. Mais d'avoir une couverture durant l'hiver avec son balai à neige, avec une pelle, avec une espèce de trousse de premiers soins aussi, c'est un petit peu l'essentiel qu'on devrait avoir en théorie ici au Québec pendant les temps froids. Donc, on va répéter les étapes 2 et 4, c'est-à-dire que s'assurer que le pot d'échappement soit bien dégagé et de couper le moteur et de rester au chaud sous une couverture. On va répéter ces étapes-là en attendant l'arrivée des secours. Le temps nécessaire pour subir une intoxication au monoxyde de carbone dans une voiture en marche, dont le pot d'échappement est obstrué par soit de la neige, par exemple, eh bien, selon la Direction générale de santé publique, c'est moins de 5 minutes. La direction rappelle en fait de ne pas faire tourner le moteur de voiture durant le déneigement pour justement éviter l'accumulation de monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique inodore qui va se retrouver bien souvent dans l'habitacle. Donc, quand tu sais, c'est sûr, ici au Québec, quand il fait moins 40, tu te dis « OK, c'est bon, je vais déneiger mon char, je vais partir mon auto en même temps. » Tu veux sauver du temps, tu veux réchauffer ta voiture aussi à un certain point. Mais apparemment, que ce serait pas nécessairement recommandé de faire tourner le moteur de la voiture justement pendant le déneigement, parce que c'est quelque chose qu'on serait pas capable de sentir. Donc, c'est quelques petits trucs que j'ai trouvés hier sur la presse pour savoir quoi faire lorsqu'on reste pris dans un temps de tempête comme celui de la semaine passée. Je sais pas si certains d'entre vous étaient pris sur l'autoroute 13, c'est sûr, c'est pas nécessairement ici à Trois-Rivières, mais si vous avez des histoires quand même assez farfelu ou tout simplement vous voulez nous jaser qu'est-ce qui s'est passé durant votre tempête, vous, la semaine dernière, bien allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis, puis écrivez-moi ça en commentaire. Je pense que je pourrais en lire quelques-unes d'ici la fin de l'émission. Par la suite, une autre nouvelle qui a quand même retenu mon attention, on en a discuté à plusieurs reprises dans l'émission. J'ai déjà fait des chroniques de Tania Is Gonna Entertain Ya par rapport à ça. C'est un sujet de discussion que Mathieu et moi aussi, on a à quelques reprises. C'est la fameuse baisse de prix de la SAQ. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a dit à certaines reprises que le prix des bouteilles allait diminuer aux côtés de la SAQ pour pouvoir justement accommoder certains clients. Il y a aussi tout ce qui vient avec la fameuse carte Prestige de la SAQ qui fait en sorte qu'on peut se permettre cette espèce de réduction-là du côté de la SAQ. Alors, les clients de la SAQ peuvent s'attendre encore une fois, wouhou, à d'autres baisses de prix. En fait, c'est après avoir décrété 3 réductions depuis novembre qui représentent un total quand même de 1,40$. C'est soit 8% sur le prix de bouteille moyenne. Bien, la SAQ va continuer sur cette fameuse lancée-là. Donc, est-ce que ça va finir après ça? Eh bien, non. C'est le président de la SAQ, Alain Brunet, plutôt cette semaine, qui a confié en fait aux médias comme quoi c'était pas terminé tout ça parce qu'on voulait justement continuer à faire cette espèce de baisse de prix-là. En marge d'une conférence qui s'est tenue à Montréal un petit peu plus tôt hier, donc le dirigeant a toutefois pas voulu dire à quel moment va survenir ces autres baisses-là, mais les discours qu'il a tenus laissent supposer que ça ne sera pas à très court terme. Ça peut se faire sur un long terme. Donc, la prochaine étape, c'est de bien structurer notre nouvelle marge de profit selon la SAQ. Ils le disent depuis le début, c'est ce qu'eux veulent travailler. Donc, ils veulent travailler rapidement sur les baisses de prix. Et par la suite, ils veulent stabiliser aussi une structure de majoration dégressive pour la rendre beaucoup plus linéaire. Alors, il a dit aussi par ailleurs qu'il voulait préciser qu'il travaillait notamment avec les producteurs dans l'objectif de faire baisser les prix éventuellement pour les gens qui vont venir en commerce pour pouvoir se procurer quelques bouteilles de vin. Alors, c'est quand même une bonne chose parce que ça fait des années que tout ce qui se passe du côté de la SAQ fait beaucoup jaser, surtout la baisse de prix. Ça avait déjà été annoncé, ça avait été annulé aussi à un certain moment. Donc, je pense qu'il y a certains consommateurs qui vont être quand même grandement heureux de voir que ça va pouvoir se faire encore à quelques reprises. Par la suite, un des autres grands géants, en fait, dans le monde, je veux pas nécessairement dire au Québec parce que c'est pas du tout au Québec, mais c'est Google qui a fait parler un petit peu plus tôt hier. On parle de plus en plus de sites qui sont piratés. En fait, le nombre de sites piratés aurait augmenté de 32% en 2016 et c'est une tendance qui est pas nécessairement prête à ralentir. C'est ce que dit le gérant d'Internet, le géant d'Internet Google, un petit peu plus tôt hier dans la journée. Donc, on s'attend pas à un ralentissement, mais les pirates informatiques deviennent de plus en plus agressifs et de plus en plus de sites deviennent obsolètes. Et les pirates vont continuer justement à capitaliser en infectant davantage de sites comme ceux-là. C'est ce qu'a déclaré en fait Google sur son propre blog, donc un petit peu plus tôt hier. Et Google, qui insère des avertissements de sécurité lorsqu'il détecte des sites piratés, a déclaré que la plupart des personnes qui sont averties pouvaient nettoyer leur page. Je ne sais pas si vous avez fait une mise à jour récemment de votre Internet, quoique ça se fait quand même assez seul la plupart du temps. Mais si vous avez les nouveaux, par exemple, Windows ou peu importe, si vous allez directement sur Google, vous tapez une recherche, eh bien, vous allez avoir un petit rond à droite qui va être soit vert, soit gris ou soit rouge. Par la suite, vous allez avoir à l'intérieur, par exemple, du cercle vert, vous allez avoir un crochet. Du cercle gris, vous allez avoir un point d'interrogation. Et du cercle rouge, vous allez avoir un X. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Google a déjà prédéfini à certains moments si les sites étaient de bonnes sources, si les sites pouvaient être à caractère justement piraté et s'il est rouge, c'est qu'il l'est. S'il est vert, c'est qu'il a été déclaré correct. Vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Et s'il a le petit cercle gris avec un point d'interrogation à l'intérieur, c'est qu'il y a certains moments, un questionnement par rapport à tout ça pour justement la provenance du site d'Internet et surtout les sources qu'il va y avoir sur ce site Internet-là. Donc, le géant Internet a néanmoins précisé que 61% des sites ne pouvaient pas faire l'objet d'un avertissement parce qu'ils n'avaient pas été vérifiés par le moteur de recherche. C'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus commun sur Google. On est en train d'essayer d'en faire de plus en plus de vérifications. Donc, comme toujours, c'est préférable d'adopter pour une approche qui va être préventive et surtout de sécuriser nos sites plutôt que de traiter, par exemple, les conséquences de ce qu'il va y avoir après un piratage. Donc, il faut se rappeler qu'une chaîne, c'est aussi forte que le maillon faible et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à sécuriser notre Internet et à sécuriser notre recherche sur Internet. Google a aussi expliqué qu'il y a certains pirates qui utilisaient parfois des procédures qui sont similaires. C'est-à-dire qu'ils vont insérer du charabia sur une page pour créer des caractères, par exemple, japonais qui vont être liés, en fait, à des sites de marchandises contrefaites. Donc, vous allez cliquer sur un lien, ça va être écrit en japonais, vous allez vous ramasser sur un autre site Internet. Et là, à ce moment-là, il y a pas mal plus de chances que votre système informatique se fasse pirater par ce fameux site-là. Le comportement, en fait, des pirates, c'est une constante évolution. C'est quelque chose qui est là de plus en plus. On le sait, on a déjà parlé aussi du Black Internet, de l'Internet profond, comme ils disent, un petit peu pas ici au Québec. Mais le comportement justement des pirates, c'est quelque chose qui évolue assez rapidement et la recherche va nous permettre de rester à jour et de combattre aussi les fameuses dernières tendances là, que ces pirates-là ont. Donc, le piratage informatique, ça devient une préoccupation qui est croissante dans certains gouvernements et la semaine dernière, le gouvernement américain a accusé les services russes de renseignement d'être responsable d'une cyberattaque massive contre le groupe Internet Yahoo, qui inculpait, entre autres, deux agents russes du FSB et deux pirates informatiques. Donc oui, c'est sûr que à la vitesse à laquelle on fait des recherches sur Google, à la vitesse à laquelle on va se fier aux sources sur Internet, c'est assez rapide et assez facile pour certains pirates habitués, disons-le comme ça, d'arriver à faire quelque chose avec tout ça. Donc, il faut rester à l'affût, il faut surtout faire attention de quel genre de site Internet est-ce qu'on va voir. On va prendre une courte pause musicale parce qu'on est rendu dans le milieu du bloc nouvelles et je me suis dit pourquoi pas finalement vous faire écouter la bonne chanson d'Émile Bilodeau que je voulais vous faire écouter tout à l'heure. On va aller écouter Tu me dirais-tu. Dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai eu des zéros et des A. J'ai reçu des gauches et des droites. C'était des débauches maladroites. Mais je me souviens d'absolument rien. À part que j'ai jamais été bright et que j'aime caler des causes light. Et pour ma part, je considère que je suis mort depuis hier. Car j'étais fou de toi et j'étais fou de joie. Mais tu m'as trompé, c'est pour ça que j'ai dû te crisser là. Oh, fait que tu me dirais-tu si ça valut la peine, tu me dirais-tu si la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Hey, hey, hey. Et j'ai appris à mes dépens que les lendemains veillent étaient tough. Et puis qu'apparemment que le soleil c'est un esti de show-off qui fait que les matins ils se meurent. Oh, lorsque vient de passer 11h, à cause de lui il fait beau. Puis à soir j'ai un show dans un bar. Je vais pouvoir faire mes chansons, je paye en bière de toute façon. Hey. Je vais pouvoir boire pour oublier sur le dos de mon employeur mes sentiments refoulés comme la poutine pis la peur. Et puis les filles sont jolies pis ma carte de crédit est complètement loadée à force d'essayer de tout vouloir les cruiser. Mais comment faire pour t'oublier? Hey, hey, hey. En fait que tu me dirais-tu si ça valut la peine, tu me dirais-tu si la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Un gros feu de joie avec des photos de toi, mais ce n'était pas tes plus belles. Fait que prends les pas personnels. Anyway, j'ai gardé tes pics de chicks dans ma chambre. Je sais, c'est triste. Oh, et c'est dur à comprendre. Hey! Oh, mais le printemps a ben de la peine. D'ailleurs, j'ai perdu mes mitaines. Puis tout le monde dans le bar est un peu saoul. Puis dehors, il pleut des clous. Oh, fait que tu me dirais-tu si l'avenir nous réserve de quoi de beau? Oh, tu me dirais-tu hey, hey, ce qu'annonce la météo? Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage outil pour toi aujourd'hui. Ok, oui, Tania Baudin, toujours en remplacement de Mathieu Plante. Complet, deuxième journée. J'espère que ça se passe bien jusqu'à présent. De mon côté, je pense que ça se passe pas pire. On a déjà fait un bon bout ce matin, à part la mauvaise chanson là, d'Émile Bilodeau. Hein? Mais vous êtes pas fâchés, je sais, parce que c'est Émile Bilodeau, puis vous aimez ça. OK? Je vous donne pas grand choix ce matin. on est déjà rendu à la deuxième demi des nouvelles, en fait, ce qui a retenu mon attention hier un petit peu de façon quasiment farfelue à certains points dans les nouvelles. Je suis tombée sur un article hier soir, quand même assez tard. Je naviguais sur Internet et j'ai trouvé un article qui explique que le venin d'araignée, ça c'est pour toutes les femmes qui trippent pas ces araignées, OK? Bien, sachez qu'il pourrait y avoir quelque chose de bénéfique au venin d'araignée, donc vous pourriez ne plus avoir peur si vous savez ça, ou du moins peut-être que vous allez demander à vos maris ou à vos chums d'encore plus les écraser, je sais pas, mais le venin d'araignée pourrait protéger le cerveau après un AVC. Comment est-ce que ça fonctionne en fait? C'est une petite protéine qui provient du venin de l'araignée qui pourrait protéger le cerveau après un accident vasculaire cérébral, et c'est ce qu'ont découvert certains chercheurs australiens. Donc on pense qu'on a trouvé pour la première fois le moyen de minimiser les effets dévastateurs d'un AVC. Vous savez, lorsqu'on fait un AVC, c'est neurologique, ça se passe du côté du cerveau. Alors, c'est sûr que parfois, il y a certaines choses qui vont découler de ça, que ce soit la parole, que ce soit la motricité, que ce soit la façon de se déplacer ou quoi que ce soit. Donc, sur le cerveau, on estime, selon le professeur Glenn King de l'Institut de biosciences moléculaires à l'Université de Queensland en Australie, que l'un des principaux auteurs de cette découverte-là, bien évidemment, c'est lui, mais on a fait cette découverte-là sur les araignées, oui, et la protéine est baptisée HI1A. Et ça bloque le mécanisme cérébral qui est principalement responsable des dommages cérébraux qui se produisent justement après un accident, oui, vasculaire cérébral, voilà. Donc, les études sont précliniques pour le moment et ils ont montré qu'une simple dose de cette fameuse protéine-là, qui est administrée jusqu'à 8 heures après une attaque cérébrale, pourrait justement protéger les tissus qui sont cérébraux et qui améliorerait les performances neurologiques de façon très, très forte chez certains patients. Donc, cette découverte-là va nous aider à fournir des perspectives qui vont être beaucoup plus favorables aux survivants d'un AVC, en limitant justement les dommages qui sont cérébraux et les handicaps qui vont être dévastateurs. C'est sûr que certains handicaps dévastateurs provoqués par un AVC sont pas tout le temps plaisants à vivre, mais ils sont pas toujours aussi plaisants pour les gens qui sont autour parce que ça amène des soins de plus parfois et tout ça. Donc les AVC qui résultent de la formation d'un caillot de sang, s'y font 6 millions de morts par année dans le monde et ça laisse 5 millions de survivants avec des infirmités qui vont être permanentes. Donc l'un des aspects les plus prometteurs de cette fameuse petite protéine chez notre cher ami si poilue et si dégoûtante parfois, eh bien cette protéine-là elle offre des niveaux exceptionnels de protection pendant 8 heures après un AVC, ce qui représente une fenêtre remarquablement longue pour le traitement à la suite. Si on doit avoir une chirurgie ou quoi que ce soit, eh bien, ça va nous ouvrir une porte sur le temps qu'on peut avoir pour justement aller faire quelques petits changements. Donc, la protéine va fournir même un certain degré de protection aux régions centrales du cerveau qui sont plus affectées par la privation d'oxygène lors d'un AVC et qui sont généralement irrécurables en raison justement de la destruction rapide des cellules cérébrales qui suivent un AVC. Donc, ils travaillent présentement à réunir les fonds nécessaires pour financer des essais cliniques afin de pouvoir commercialiser rapidement le traitement qui est très, très prometteur du côté de l'Australie. J'ai hâte de voir si du côté, par exemple, du Canada ou des États-Unis, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre de l'avant, nous aussi. C'est sûr que ça doit être le venin d'une araignée en particulier. Peut-être qu'on l'a pas ici. Mais, ça va peut-être nous donner une raison de plus effouérer nos araignées. Ah, mesdames, n'ayez pas peur de ces petites bêtes. Pensez ce qu'il peut faire maintenant pour vous et votre cerveau si jamais il se passe quelque chose. Peut-être que ça vous aiderait à plus les apprécier, voilà. Du côté de l'insolite aussi, parce que c'est quand même une nouvelle assez insolite, merci. Bien, il y a des jeux de société qui servent à former les agents de la CIA. Comment est-ce que ça se passe? En fait, j'ai trouvé ça sur la presse et on pourrait penser que ce fameux jeu-là sert des vidéos de guerre sophistiquées ou quoi que ce soit, mais la CIA en fait, entraîne ses agents de renseignement, notamment avec des jeux de société et des jeux de cartes. Le mythique Agence centrale du renseignement, donc la CIA des États-Unis, a permis un rare coup d'œil sur, justement, ses rouages internes cette semaine au Festival d'innovation et des nouvelles technologies South by Southwest, qui se tient chaque année à Austin, au Texas. Donc, présents sur place, il y avait 3 formateurs d'agents de la CIA qui ont levé le voile sur une autre portion de leur travail qui consiste en fait à créer des jeux pour assurer la sécurité des États-Unis. C'est un aperçu de la secrète organisation qui a permis de voir comment justement la CIA se sert, mais aussi elle crée des jeux comme par exemple la collecte de données et le CAID, le Track d'El Chapo, le Kingpin, The Hunt for El Chapo, pour entraîner justement ses agents. On parle d'une collecte de données qui est un jeu de cartes dont le but en fait est de recueillir un maximum d'informations afin d'informer les hauts responsables de la Maison-Blanche en cas de crise qui menace la sécurité du pays. On va y trouver par exemple des cartes qui vont venir compliquer la vie des agents comme par exemple conflit de la mer de Chine. OK? Ou d'autres qui vont être très à terre, comme par exemple blocage bureaucratique ou satellite écrasé ou source mal informée. Donc l'objectif de ces jeux-là, en fait, c'est ce qu'expliquait un des formateurs qui est David Klopper, c'est notamment de favoriser la collaboration et le travail d'équipe. C'est un peu comme dans un épisode de la série télévisée Homeland, lorsque l'agent de la CIA, Carrie Mathison, et ses collègues se retrouvent devant plusieurs écrans géants, l'armée est prête à attaquer et qu'ensemble, ils doivent décider au moyen de donner des données disponibles si une bombe doit être larguée ou pas. C'est un petit peu dans le même genre d'idée qu'on veut faire ce jeu-là. Et les équipes qui parviennent à communiquer et à mettre en place des stratégies qui sont normalement celles qui parviennent à gagner dans le jeu, eh bien, ça a révélé un adepte du jeu de rôle Donjon Dragon. Les jeux doivent exposer les joueurs à de nouvelles idées, à de nouveaux concepts et à de nouveaux outils. Et c'est un autre jeu qui requiert des participants qui prennent les décisions nécessaires pour construire une série de satellites afin d'intercepter les renseignements secrets de pays étrangers. Puis par la suite, bien, on va leur jeter, par exemple, un obstacle qui va être inattendu. Donc, Par exemple, on pourrait leur lancer le fait que le Congrès américain vient de couper le budget en deux. Et le formateur Volker Runke, qui est spécialisé en analyse militaire et terroriste, a rappelé comment le travail des agents de renseignement est aussi de répondre aux questions des législateurs qui doivent prendre des décisions. Et si la demande est de prédire comment justement va évoluer la guerre en Afghanistan au cours de la prochaine année, elle nécessite quand même de rassembler plusieurs expertises et d'en faire une synthèse. Donc, on parle d'un jeu qui est développé dans le but d'apprendre et de s'apparenter à une version qui va être modifiée du jeu Risk et un jeu sur plateau qui va porter sur la diplomatie, le conflit, la conquête, avec une carte, par exemple, de l'Afghanistan qui va être divisée en secteurs et il va y avoir des pions qui vont représenter des bâtiments, des véhicules qui vont être blindés. Et c'est pourquoi des jeux de cartes et des jeux de tableaux en carton, plutôt que des jeux vidéo, vont offrir une meilleure réalité virtuelle. Pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'on va former en quelque sorte certains agents? Eh bien, le jeu de société, c'est pas dispendieux. C'est ce qu'ont répondu en cœur les formateurs lors du congrès. Et apparemment qu'on se serait déjà servi de jeux vidéo, mais qui sont beaucoup plus difficiles à adapter pour les besoins de la CIA. Donc, les situations de conflit dans le monde changent assez rapidement et on doit modifier un jeu vidéo. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus ardu, c'est beaucoup plus lent. Donc, tandis que de faire un jeu qui va être un board game ou un jeu de cartes, c'est beaucoup plus facile. Donc, les formateurs cherchent à créer un jeu le plus près possible de la réalité duquel les joueurs peuvent réaliser les impacts de leurs décisions. Et si l'administration ne comprend pas toujours comment des jeux peuvent être utiles et parfois futiles, eh bien, les participants, eux, les prennent parfois trop au sérieux. Il y a un analyste qui a été éliminé par ses collègues de travail qu'il trouvait insupportable et il y a des équipes qui ont vraiment pris les grands moyens. C'est ce qu'a raconté une des formatrices lors du congrès. On a parlé du maître du jeu qui a dû intervenir dans un cas particulier pour justement ressusciter le joueur qui avait été assassiné parce qu'il détenait des informations qui étaient essentielles sans lesquelles le jeu ne pouvait pas se poursuivre. Donc, il y a certaines équipes qui ont de la difficulté à faire la différence et la CIA, c'est d'ailleurs pas la seule à utiliser ce genre d'outils-là. Il y a de nombreuses organisations qui utilisent les jeux pour former même l'armée américaine. Apparemment que c'est quelque chose qui se voit assez couramment. C'est quand même une façon qui est différente de voir les choses. Moi, je pensais que justement, on allait mettre de l'avant les idées de jeux vidéo, les idées de reconstitution sur ordinateur, simulation, ce genre de choses-là. Mais l'idée des jeux de cartes ou des jeux de board game, c'est une très bonne idée. Je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a une nouvelle qui a fait parler un petit peu plus du côté des médias. Oui, à certaines reprises, on en a fait la une, mais c'est une nouvelle forme de protection contre la violence sexuelle dans les bars étudiants. On parle de l'Alliance de santé étudiante du Québec, donc l'ASEC, qui va tenter de convaincre 40 à 50 bars dans les environs des établissements scolaires de faire partie justement de la campagne qui s'appelle « Commande un Angelo ». Ça va permettre aux personnes qui se disent victimes de violences sexuelles de demander la protection du personnel à l'aide dans un langage style codé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a certaines institutions, certains bars qui ont parfois certaines pancartes dans les toilettes des filles, justement, qui découlent un petit peu de la même idée. Je pense que c'est... demande un rubis ou quelque chose comme ça au bar. Et à ce moment-là, le barman ou la barman sait que la personne se trouve dans une situation assez inconfortable avec la personne avec qui elle est. Donc, l'initiative a été lancée un petit peu plus tôt cette fin de semaine, dimanche matin, à Montréal, en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, qui a déjà au moins deux adhérents, c'est-à-dire le resto-bar La Maisonnée, qui est à proximité de l'Université de Montréal, et aussi le pub universitaire de l'Université Laval. Donc, on est assez convaincus de ce côté-là que les bars sur les campus universitaires ou sur les collèges, parce que, ben oui, hein, quand t'arrives au collège, t'es majeur maintenant, vont embarquer dans le projet pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont tous à cœur la sécurité de leur clientèle. Et on en va de l'entreprise, du bar et de la réputation aussi de l'établissement avec cette espèce de nouvelle forme-là. Et c'est ce qu'a assuré Patrice Allard, le vice-président du développement et partenariat de la SEC. Donc, M. Allard, lui, dit prévoir que l'initiative pourrait aussi s'étendre dans les autres bars de la province, d'une façon où on ne serait pas obligé à participer, à faire participer les bars, mais on va le recommander et éventuellement, ça va devenir une question de compétitivité. Si, par exemple, nous, on est membre de cette fameuse, de ce fameux programme-là et qu'un autre bar ne l'est pas, mais ça va peut-être venir des clients ou des clientes à un certain moment qui va faire « Je vais te commander un Angelo. » Puis là, tu comprends pas trop. Donc, à ce moment-là, ça peut devenir quelque chose qui va être quasiment constant dans les bars de pouvoir faire ça. Et la ministre David a d'ailleurs fait appel aux associations étudiantes pour qu'elles se servent de leur influence justement auprès des établissements pour les convaincre. Donc, ça devient un rapport de force qui est extrêmement intéressant. Si tu n'es pas Angelo, on va pas dans ton bar, par exemple. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont pouvoir dire ça. Et si vous savez combien on peut consommer de bière ou autre dans une soirée, eh bien, à un certain moment, ce mot-là pourrait devenir une bonne façon de pouvoir sortir de certaines situations lorsqu'on ne se sent pas trop à l'aise. Donc, le code Angelo devrait pouvoir être utilisé à compter de l'automne 2017. C'est ce que disaient les gens qui l'ont mis sur pied, oui, voilà. Et c'est un protocole aussi chez les employés, parce que cette campagne-là prévoit la mise en place de tout un protocole chez les employés des bars. C'est quand même une bonne responsabilité aussi de se faire dire ça pour aider les femmes et les hommes qui se sentiraient pas à l'aise et qui auraient besoin de leur assistance. Donc, le personnel des établissements va être formé en quelque sorte par les représentants de la SEC et des campagnes sans oui, c'est non, ni viande, ni objet, qui travaillent justement sur la sensibilisation à la violence sexuelle dans des milieu étudiant. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus depuis les derniers mois. Ça fait quand même les nouvelles assez couramment. Donc, les propriétaires vont devoir aussi signer une charte qui va les engager à respecter ce fameux protocole-là. Donc, si une personne commande un Angelo sans glace, eh bien, le personnel va s'assurer qu'elle va être en sécurité à l'intérieur de l'établissement et la victime va choisir elle-même si elle veut rester ou si elle veut s'en aller. Si on en demande un avec de la glace, c'est qu'elle souhaite être raccompagnée à l'extérieur. Et dans ce cas-là, les employés qui vont être sur place vont devoir s'assurer qu'elles quittent le bar en toute sécurité. J'imagine que ça va revenir un petit peu plus aux agents de sécurité qu'aux barmen, mais finalement, un Angelo avec de la lime, ça va signifier qu'une agression aurait déjà eu lieu ou que la personne se sent intoxiquée par l'alcool ou par la drogue du viol et qu'elle veut que le personnel appelle la police. Donc, cette commande pourrait aussi être faite par un proche. Donc, par exemple, si on sort dans un bar avec une amie, puis là, tout d'un coup, ton amie est comme bizarre, puis elle a juste bu un verre, puis tu fais comme, ben voyons, ben bizarre, toi. Puis t'as l'impression qu'elle a eu la drogue du viol ou qu'elle a été intoxiquée à quelque chose, eh bien, tu pourrais faire la demande pour cette personne-là. Et c'est Monsieur Allard, justement, qui plaide qu'une telle initiative, c'est important dans ce genre de situation-là parce que la victime n'aurait pas besoin de justifier pour réclamer une protection. Dès qu'elle va avoir commandé son Angelo, les employés vont agir. Souvent, quand on demande de l'aide, on doit expliquer pourquoi on a besoin d'aide. Et dans le cas de l'Angelo, bien, si on commande un Angelo sans avoir à expliquer le pourquoi du comment de ce qui est arrivé auparavant, eh bien, ça va tout simplement être quelque chose d'action-réaction. Donc, les copropriétaires du restaurant au bar La Maisonnée à Montréal, on fait justement remarquer que des serveurs interviennent déjà s'ils remarquent qu'un de leurs clients n'est pas à l'aise, mais au moins cette campagne va fournir un certain encadrement, un certain protocole qui va être beaucoup plus, j'imagine, strict. Ça se fait déjà, on a déjà gardé par exemple des filles à la fermeture de certains bars à l'intérieur du bar parce qu'il y a des gens qui les attendaient à l'extérieur ou on a peut-être même déjà raccompagné des gens. Donc c'est déjà quelque chose qui se fait dans plusieurs bars au Québec, mais que ce soit mieux encadré avec un code, ça peut juste devenir quelque chose de meilleur. Donc si on commande un Angelo, on s'inspire des deux campagnes qui vont être lancées dans d'autres pays, c'est-à-dire Ask Angela au Royaume-Uni ou un Angel Shot aux États-Unis. Donc, c'est un protocole qui se fait déjà dans d'autres pays et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ici du côté du Québec. C'est quelque chose qui peut être ouvert à la discussion, évidemment, parce que c'est sûr qu'il va y avoir... je sais pas comment les gens pourraient être contre ce genre de protocole-là. Je pense pas que c'est quelque chose qui va être mal vu, parce que c'est quand même une bonne chose. Mais on va se croiser les doigts que ça se passe bien dans chaque bar où on va accepter de faire ce fameux protocole-là. Et je vois pas non plus pourquoi certains bars voudraient se refuser ce protocole-là, parce que ça met juste les gens et tes clients et tes clientes en confiance par la suite Mais bon, nous, on va aller écouter Gabriel Noël avec les 7 juin avec Lydia Kipi et on se retrouve tout de suite après ça. Si pour ta voix, je devais paupières sans ailes, une nouvelle pièce qui devrait faire son entrée au palmarès francophone, si je ne m'abuse, aujourd'hui même, un petit peu plus tard dans la journée, donc manquez pas ça. Et avant ça, on a entendu Gabriel Noël les 7 juin avec Lydia Kepi. Au retour de la pause, eh bien, en studio avec moi, déjà, j'ai David Ferron! Yay! Je suis plus toute seule! Yay! David, qu'est-ce qui nous attend au retour de la pause? Le Zone Campus et la carte bleachée. Oui, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Dans le Zone Campus, en fait, le numéro 11, qui a eu en fait une essence, très, très chevelée. C'est ça, abrupte. Oui, on peut dire ça. Il a failli de pas apparaître, en fait. C'est ça. Mais heureusement que Jean-Philippe nous a dit « il va apparaître ». Donc ça nous adore ça. Ben, pour vrai, ça nous a boosté, puis ça a permis de sortir. Il n'est pas parfait, mais dans les circonstances, on est content. Donc, on va faire le tour du Zone Campus et tu vas nous parler aussi dans ta chronique la carte bleachée. Donc, tout ça au retour de la pause. Yay! Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. OK, oui, vous êtes toujours en onde à C'est fou 89.1 FM avec Tania Baudin et maintenant David Ferron. Allô! Je suis vraiment très excitée parce que depuis les deux derniers jours, je suis toute seule dans le studio. Hier, on n'avait pas de chroniqueur. Ce matin, Justine était censée être là. Malheureusement, elle ne pouvait pas être là ce matin. Donc, j'ai commencé mardi aussi toute seule. Mais là, je suis contente, David. Tu es là, tu es avec moi. Yeah. Tout semble bien se passer. Et si je me trompe pas, là... Si je me trompe pas, si on se fie à ce qu'on vient de dire avant la pause, eh bien, on commence tout ça avec la chronique du Zone Campus. Eh oui, qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière pour les circonstances qu'on connaît. Oui. Donc, les circonstances tragiques. Malheureuses, oui, en effet. Donc, on commence ça tout de suite. T'es-tu prêt? Moi, oui. OK, excellent. On y va. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Dis-moi. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé, le fameux montage de ce numéro-là? Mais d'abord, remontons il y a 2 semaines quand Mathieu sort de manière candide de chez lui pour aller travailler, mais finalement, paf! Il se casse le poignet. Exactement. Donc là, finalement, on apprend le dimanche, en fait, parce qu'il faut envoyer le Zone Campus à l'imprimerie le lundi suivant. Et là, on a su dimanche que Mathieu ne pouvait pas rentrer pendant un mois. Mm-hmm. C'était une belle surprise! Oui, une belle, on ne sait pas très quel. Et là, après ça, ben finalement, on se demandait, ben, est-ce qu'on engage quelqu'un? Est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'utilise Publisher pour dépanner? Ouais, j'étais même prêt à utiliser Publisher, mais ça n'aurait pas été aussi bon que Mathieu, que le travail de Mathieu, finalement, Jean-Philippe, l'avant-midi du lundi, décide que finalement, il va sortir. OK. Puis moi aussi, je voulais qu'il sorte, fait que ben ça oui. donnait bien. On voulait qu'il sorte. Tout le monde, je pense que toi aussi, tu voulais qu'il sorte. Ben oui, j'étais en Floride, mais je voulais vraiment qu'il sorte. Dans ton âme intérieure. C'est ça, exactement. Donc, ça s'est quand même bien passé de ce côté-là, là. Oui, quand même. Oui. On a trouvé un remplaçant pour Mathieu. Ben oui. On le remercie d'avoir agi aussi rapidement. Thomas. Oui, exactement. Thomas Gros, on remercie Thomas Gros. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a l'air que Jean-Philippe avait pensé aussi à Thomas. Donc, en fait, je m'en allais manger parce que... Ben, en fait, je m'en viens... Parce que tu manges tout le temps. Oui, exactement. Faut toujours le rajouter, mais... C'est ça. En m'en allant à la chasse-galerie, il y a Thomas qui, lui, en fait, c'est lui qui fait les affiches pour la chasse-galerie. Mm-hmm. Donc, là, j'ai un flash. Je demande, Thomas. Oui. Et là, je pleure, je me mets à genoux, je pleure. Non, ça s'est pas fait comme ça, mais il a accepté assez rapidement. Donc, à partir de 2h le lundi, habituellement, on envoie la copie à 5h. Oui, approximatif, ouais. Mais là, on a pu l'envoyer à 10h30 le soir. Donc, de 2h à 10h30, Thomas a travaillé très, très fort pour l'envoyer. Là, il est pas parfait parce qu'évidemment, il fallait... Mais c'est sûr que Thomas connaissait déjà le logiciel, mais on fallait agir rapidement, là, c'est ça. Oui, fait que c'est sûr que si vous voyez qu'il n'est pas parfait, c'est pour ça. C'est pas parce qu'on a dormi sa Switch. Au contraire, on n'a jamais été aussi réveillé. Bon, on est toujours réveillé pour faire le Zone Campus, mais là, cette fois-ci, on était vraiment sur le boost. Disons qu'à 10h30 le soir, on avait hâte de film. Ouais, j'en doute pas. Hein. Est-ce que tu veux qu'on fasse le tour de ce fameux journal-là ensemble? Ben, je crois que oui. D'accord. Donc, on va commencer avec l'événement du Startup Weekend Trois-Rivières qui avait lieu un petit peu plus tôt. Mon Dieu, je pense qu'il y a 2 semaines déjà. Oui, quand même. Mais il y a plein de trucs qui se sont passés, en fait, la première fin de semaine de mars. Mm-hmm. Ben, en fait, le mois de mars, c'est un gros mois. Le début avril, ça va être fou. C'est fou, vrai. Les prochains ondes campus vont refléter de cette folie de l'actualité. En effet, vous allez voir, ça va être gros. Oui, exactement. Toujours 16 pages, mais ça va être gros pareil. Mm-hmm, tout à fait. Donc, en fait, c'est la formation Easy Trip, le projet Easy Trip qui s'est formé en 72 heures, qui a conçu le projet en 72 heures. Il y a même un logo, si vous allez sur la page Facebook d'Easy Trip, vous allez voir la page, le logo et tout, qui a gagné Startup Weekend Trois-Rivières. Le Startup Weekend, c'est quoi? C'est, en fait, là, cette année, c'était 71 personnes. Et parmi les 71, eh bien, les 71 doivent former des équipes. Okay. Et proposer un projet d'entreprise. Et c'est Easy Trip. Easy Trip, c'est consacré au plein air. Okay, qui a gagné le prix et vraiment, ils ont des postes différents. Par exemple, il y en a qui sont marketing. En tout cas, je suis plus trop sûr exactement, mais Easy Trip, il y a au moins une dizaine de personnes là-dedans et c'est, je crois, pas toutes des étudiants à l'UQTR. Donc, bravo, Easy Trip. Ah, ben oui, on aime ça. Après ça, on a le mot de la rédaction. T'as tout le temps faim, David? Ben, pas cette fois-ci. C'est les limites. OK. Oui, parce que t'as pas la bonne maquette, je pense. Ah, c'est ça. Hein? Ouais, mon imprimante a fait des tours. C'est de la faute de mon imprimante. Tu sais, faut mettre la faute sur quelque chose. T'sais. Ben oui, c'est vrai. Ben non. T'as bien raison, je vais prendre le même journal que toi, je pense. Ouais, je pense que ça va être mieux, finalement. C'est bon, ouais, je te suis, là, je te suis. Oui, parce que ça, c'était mon ancien mot, mais finalement, les limites, fait que j'ai aucune constance déologique. OK, comment ça? Ben, parce que celle qui était avant, donc en fait, là, c'est les limites, mon mot de la rédaction. Mais avant, c'est j'ai tout le temps faim, comme t'as cité. Oui. Donc, j'ai tout le temps faim, et là, c'est les limites. Donc, est-ce que t'essaies de te limiter dans ta faim? Oh, hein? Mais en fait, ce que ça parle, c'est que dans le fond, tout au long du Zone Campus, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes dans le Zone Campus qui ont vécu des limites ou des contraintes ou des défis. Donc, c'est d'expliquer que oui, on vit avec des limites, mais faut, dans la mesure possible, être capable de passer à travers. Dans le fond, c'est une grande leçon de vie. Tout à fait. Faut pleurer quand on lit mon rédaction. OK, c'est ça qu'il faut faire. Du côté de l'actualité, il y a Marie Labrousse qui nous parle de ce qui s'est passé durant la relâche, parce que c'est les jeux de la communication, c'était aussi le psychologue. Donc, c'est une relâche hivernale qui a été intensive et couronnée. Oui, exactement, parce que psychologue est arrivé, en fait, la délégation l'UQTR est arrivée première parmi toutes les délégations. Et également, les jeux, en fait, de la communication sont arrivés 4e, mais ils ont quand même eu une belle récolte de médailles quand même. Là. Ils ont eu à peu près quand même au moins 4 médailles, si je me trompe pas. Il y en a eu quand même... Non, 6 médailles. 6, oui. Donc, il y a quand même eu une belle représentation de la part de l'UQTR aussi, même s'il est arrivé en 4e position, ce qui est... on peut être fiers quand même des délégations. Ah oui, on est tout le temps très, très forts aussi du côté des jeux de la com ben oui. À l'université. C'est le fun de voir ça. Puis on est aussi très disciplinés aussi. Oui, c'est vrai. On a eu une conférence du côté de l'université de Maryse Bachand sur le lynchage quand sexisme et racisme s'entre-alimentent. Oui, en fait, le lynchage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait d'exécuter des... En fait, le lynchage, c'est surtout auprès des Noirs. Et elle parle de la période, en fait, Mme Bachand, de 1860 à 1960. Donc, sur cette période-là, il y a eu beaucoup d'exécutions de Noirs. Et souvent, c'est un message qu'on lançait aux femmes pour dire « Regardez, les Noirs sont des gens sauvages. Mm-hmm. » Et aussi, bien, on en profitait quand c'était des femmes qui étaient esclaves noires pour, par exemple, faire des crimes comme du viol, des trucs comme ça. Donc, il y a comme un système autant sexiste que raciste qui régnait dans ces années-là. On parle de l'UQTR aussi à l'international. On a mis le cap sur les Antilles, dis-moi donc. Ben oui, en fait, il y a deux représentantes en fait, du bureau international de l'UQTR qui sont allées là, c'est-à-dire Alexandra Caron, mais également aussi Jessie Boulanger qui sont allées dans les Antilles pour promouvoir l'UQTR auprès des étudiants. C'est quelque chose qui fonctionne bien, hein, l'international ici quand même. Oui, ben il y a même en fait une cohorte vietnamienne de l'UQTR. Oui, au Vietnam, l'UQTR est même au Vietnam. Mm-hmm. Ça, ça va sortir dans le prochain numéro. OK, OK, tu nous donnes un spoiler, là. Oui. Oh, on aime ça, on aime ça. Oui. T'as aussi écrit une petite brève, quasiment on pourrait dire, avec la sexualité pour tous au-delà des différences. Oui, c'est du... on utilise dépotisme parce qu'en fait, les conférenciers étaient tout simplement Anthony Morin et Marie-Ange Perrault, nos chroniqueurs sexualité. Mm-hmm. En fait, ils ont donné une conférence dans le cadre de la semaine sur la dysphasie. OK. Donc, qui a lieu, en fait, dans la semaine du 23 février. Donc, ça fait quand même un bon petit bout, mais la pertinence, en fait, c'est que ce que ça explique, en fait, ce que nos conférenciers expliquaient devant les conférenciers, c'est que la sexualité, il y a une manière de l'expliquer, peu importe à qui on s'adresse. Autant les gens qui ont des handicaps, qui ont des contraintes, mm-hmm. autant les personnes âgées. En fait, on n'a pas tant que ça parlé de personnes âgées, mais plus les jeunes et les personnes en situation de handicap, comment aborder la sexualité. C'est vrai. Donc, avec tact et diplomatie. Et le respect aussi, mais le mot-clé, c'est l'empathie. Ah, OK. Ouais. Je savais pas. C'est l'empathie. Bon, OK, excusez. du côté de l'éditeur. On sait, toi, tu penses juste ça. Ça. Non, ben non. J'ai rarement de l'empathie. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Samuel Pedro Beauchemin, oui. Dans son éditorial, nous parle du retour du PCC. C'est la deuxième partie de cet éditorial-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats au Parti conservateur du Canada. Et justement, Pedro présente la deuxième partie parce que la première partie, c'est dans le numéro précédent. Donc, mm-hmm. il présente ça de manière colorée, quelle est la philosophie de vie de ces candidats-là. C'est sûr que vu que c'est un éditorial, Pedro se laisse aller à son opinion, mais c'est jamais irrespectueux. Toujours mm-hmm. grinçant, par contre. Vous irez voir la version blog. On s'est amusé un peu. OK. On s'est amusé, on a mis des gifs. Il y a même Brad de la galaxie près de chez vous qui fait une apparition. Oh mon Dieu. Oh oui. Un retour sur notre passé. Et du côté de la société, Gwendoline Lebeaumain nous parle du Brésil. On parle d'un carnaval sur fond de crise. Oui, exactement, parce qu'on sait qu'au Brésil, ça va super bien économiquement. Mm-hmm. Ben oui, écoute. Oh oui. T'as pas mieux demandé. Non, exactement. Je veux dire, les Olympiques ont lieu à Rio, les stades sont pas du tout abandonnés. Ben non, du utilisés. Tout, voyons. Ben oui, je veux dire, les rockstars, ils courent les stades pour aller se donner en spectacle là-bas. En tout cas, c'est du sarcasme. Oui, c'est ça, si vous n'aviez pas compris. En fait, Gwendoline, ce qu'elle explique, c'est que le carnaval de Rio a aussi écopé des problèmes budgétaires. En fait, du Brésil, mais aussi, il y a un maire de Rio de Janeiro qui est un prêtre assez conservateur pour qui la fête, c'est pas quelque chose qui s'implique beaucoup, mettons. Il s'est même pas présenté à l'inauguration. Mon Dieu, ça va bien. Puis ça a l'air que tous les maires se sont présentés à l'inauguration, mais pas lui. OK. Il a choqué. Ça va pas bien dans ce temps-là? Non. C'est un symbole fort, mais les festivités ont quand même eu lieu, malgré aussi qu'il y a eu des blessés aussi. Ça brasse beaucoup, hein, malheureusement. Oui, oui. C'est pas un endroit où je voyagerais présentement, malheureusement. Non, faudrait peut-être plutôt aller en Suède. Oui, exact. Entre les deux pôles, Kevin Gaudreau nous parle des relations qui empoisonnent le milieu de travail. Oui, exactement, parce que parfois, quand on peut manquer de confiance ou encore quand on évalue trop bien ses qualités ou qu'on les dévalue, eh bien, ça peut pourrir l'ambiance de travail. Mm-hmm. Donc, il explique que le fait de bien se connaître, ça permet d'avoir des belles relations de travail. Bien se connaître, c'est vrai, hein? Ça fait quelques fois qu'il parle de ça dans ses articles, mais, et j'aime bien ça. Mais toujours dans des aspects différents, c'est jamais, il se répète jamais, je sais pas comment il fait Kevin, mais quand il sort son texte, je fais comme, ben, il me semble qu'il en a déjà parlé, ben non. C'est vrai, c'est tellement amené d'une façon différente que ça amène tout le temps du changement dans ses articles. J'aime beaucoup ces petits articles. Voilà. Marie-Ange Perrault, elle, nous parle bien évidemment de sexualité, mais elle nous parle de sexualité du couple. Est-ce qu'on pourrait oser l'échangisme? Oui, exactement. En fait, elle explique ça de manière vraiment nuancée, les pour et les contre. Et elle explique aussi que l'échangisme, c'est quelque chose qui se fait, mais... c'est toujours la base du respect. Ça, c'est toujours le mot jour de Marie-Ange et de Anthony, mais on n'a pas le choix. La sexualité, faut que les deux, trois, peu importe, si vous êtes vous-même en deux, trois, peu importe, c'est toujours la question du respect et l'échangiste Et aussi, elle explique aussi que les barres sont de plus en plus... les règles sont de plus en plus serrées aussi. Donc, c'est vrai, hein? Oui, elle explique que l'échangiste, c'est pas quelque chose de bestial, mais que c'est une décision consentante de couple. OK. Une démarche de couple. Ah, je vois. Et que c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est sûr. J'imagine que non. Hein. C'est... Est-ce que toi, tu l'essaierais? Je pense que je vais te poser la question. C'est indiscret. À vous, hein? De pouvoir répondre à cette question-là, c'est quand même assez... Ben, c'est de voir avec qui on est en couple aussi, c'est quoi les modalités, pourquoi on fait ça. C'est, je pense que ça dépend du moment. Je peux pas te répondre clairement. Si ça me dirait « réponds par ou par non », je serais comme « non, ça marche pas de même ». Non, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a Jean-François Veilleux qui nous présente la partie numéro 4 du « Canada n'a pas 150 ans ». Oui, en fait, ça part de 1810 où ce qu'on parle du projet d'unir les deux Canada, parce qu'à l'époque, il y avait deux Canada, le Haut et le Bas mm-hmm. Canada, donc l'Ontario et le Québec, grosso modo. Et là, ça part jusqu'en 1839, ça, c'est le après-rébellion. OK. Donc, il y a cette période-là, une courte période assez intensive quand même politiquement parlant et qui permet la naissance du Canada officiel. En gros, quand on dit le Canada n'a pas 150 ans, pardon, c'est qu'il explique, Jean-François, que le Canada a une histoire beaucoup plus complexe que ce que le gouvernement fédéral stipule. C'est quand même vrai. Du côté des arts et spectacles, eh bien Marie-Christine Perrin nous parle d'une alchimie absolument réussie au vernissage à la galerie Artois. Oui, exactement, parce que c'est le travail des étudiants en art, mais c'est aussi leur corps. Leur corps, c'est un laboratoire qui s'occupe notamment des troubles alimentaires, notamment, mais aussi le groupe de recherche en signalisation cellulaire. Donc, les trois instances sont réunies pour faire une exposition à la galerie R3, et je pense que c'était juste une journée, je pense. Oh, c'était assez intense. Oui, c'était juste une soirée. Oui, puis ça a l'air que ça avait bien fonctionné, et vraiment, ça a l'air que ça sortait des idées assez innovatrices, mais je pense que Marie-Christine avait l'air d'être enchantée du projet. Bien, c'est un projet. On en a reçu une invitée ici à l'émission. Je me souviens, il y a deux semaines, si je me souviens bien, c'était le jeudi. Puis on en avait discuté. Ça avait l'air vraiment très intéressant de pouvoir joindre la science, le corps, puis tout ça. Alors, c'était une belle initiative du côté de la galerie R3. Ben oui. On parle aussi d'une soirée d'improvisation à l'orgue qui était un match hors du commun organisé par Pro Organo. Oui, exactement. En fait, Pro Organo, dont le but, c'est de promouvoir l'orgue, justement, et ça existe depuis longtemps, je me rappelle pas combien d'années, mais au moins une trentaine, au moins. Mais en fait, c'était notamment aussi, c'était quoi? C'était des improvisateurs à l'orgue. OK. Donc, au lieu que ce soit de l'impro par des acteurs, et c'était à l'orgue. Donc, il y avait deux orgues différents, deux styles d'orgues complètement différents aussi, et fallait qu'ils improvisent. Et il y avait aussi un orchestre qui accompagnait les improvisateurs. Donc, c'était un spectacle d'improvisation musicale. Oui, exactement. Je sais que ça se fait beaucoup à Montréal. Je pense par Impro 3-4, je ne me rappelle plus. Oui, je pense que ouais, c'est quelque chose qui se fait quand même assez couramment. Là. Mais à Trois-Rivières, j'en entends pas parler, mais je trouve ça bien qu'il y ait une initiative comme ça à Trois-Rivières. En effet. Et si on continue dans la même lignée avec la musique, eh bien, il y avait eu une ambiance jazz qui a orné le Gambrinus, quelque chose qu'on voit quand même assez rarement, au Mardi Live. Oui, du jazz. Donc, c'est formé par quatre étudiants qui se sont rencontrés en musique au cégep de Trois-Rivières et ça forme le Sensitive Soul Jazz Quartet. Et ils ont repris des pièces de Frank Sinatra. En fait, c'est dur parce que des standards jazz, c'est repris par toutes sortes d'artistes. Mm-hmm. Donc, mais ça a l'air que le groupe, au lieu de reprendre ça de manière les versions radiophoniques ou contemporaines, le groupe serait revenu à la base avec ces compositions-là. Et il y a même, en fait, une version, une revisitation de la pièce Moon Dance de Van Morrison, qui est une pièce folk qui est mise à la sauce jazzée de la part de Sensitive Soul Jazz Quartet. Ouh, ça doit être bon. Judith Étier, elle, nous parle « Le Québec, une page à la fois, le sacré comme expérience intemporelle ». Oui, exactement, parce qu'il y a un livre qui l'a beaucoup marqué. C'est écrit par Isabelle Daisy et Jean Duval, c'est La route sacrée. Ça, c'est le nom du livre. Et ce qui explique, en fait, ce livre-là, c'est le parcours à la baie James d'un endroit assez particulier. Okay. J'en dis pas plus, mais ça a bouleversé Judith, je pense. Ah ouais? C'est que ça vient chercher. Il paraît que t'es tellement, en fait, te représente tellement dans la quête de Isabelle Désy et Jean Duval, les auteurs du livre, que m'a donné, toi, ça te bouleverse au niveau de tes conceptions. Ça te remet en question beaucoup, là. On parle aussi d'aventures spirituelles dans ce livre-là. Oui, oui, puis c'est vraiment rien de mystique ou de propagande religieuse. C'est vraiment le parcours personnel de deux personnes qui avaient une quête d'abord historique aussi, mais qui est devenue peu à peu vraiment... ça les a marqués, je pense. Mais c'est pas, comme je l'ai dit, vraiment de la propagande religieuse. C'est vraiment la question... en fait, de ce qui vient nous chercher au fond de nous et qui est au-delà des fois, les gros questionnements. Oui, exactement. Et la spiritualité, comment on vit ça personnellement? Il y a Marie-Christine Perra aussi qui nous parle des arts visuels sur le campus. On parle d'une démarche mystico-thérapeutique. Oui, en fait, c'est le portrait d'un ancien étudiant en art qui, lui, en fait, a une approche assez spirituelle de son art et il n'ose pas, en fait, il y a par exemple Picasso dans ses inspirations, mais il n'ose pas notamment les mentionner par modestie parce qu'il ne veut pas se comparer à eux. Donc, il se laisse complètement inspirer par ses... En fait, je dirais pas des inspirations, j'ai de la misère à le dire parce que okay. Ça a l'air d'être très, très, une approche très spirituelle aussi par rapport à ceux de l'art visuel en passant que Amine se consacre. C'est Amine Laourou. OK. Donc, qui est un artiste d'art visuel. Excellent. Et on parle aussi de la musique folk sale dans un sous-sol. Oui, Robert Fusée et les chiens au Zenob. Donc, le bar Zenob qui est comme une espèce de sous-sol, mais, oui, quasiment. Ouais, mais c'est très ça. Riche avec vraiment toujours personnel sympathique, des spectacles vraiment très intéressants. Donc, en fait, c'est Robert Fusée et les chiens qui est une espèce de... En fait, on va l'entendre tout à l'heure. C'est assez cru. Oui, hein, c'est vrai. C'est cru. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est j'ai ça. Pris, je pense, la toune la moins crue de l'album. Il y a rien d'autre à dire. C'est, c'est cru. Oui, mais c'est aussi engagé aussi. Oui, donc, c'est surtout ça. C'est aussi ça, engagé et cru. On parle d'une exposition à la Galerie d'art du Parc, Une nature lumineuse. Oui, en fait, c'est les expositions. Il y avait une exposition de deux artistes, c'est-à-dire deux expositions en même temps. C'est-à-dire celle de Camille Bernard Gravel et celle... Et également de Émilie Guilbeault. Les deux, en fait, s'intéressent aux photographies numériques, mais présentées à leur manière. Camille Bernard Gravel, c'est d'incorporer des éléments informatiques, tandis qu'Émilie Guilbeault, c'est vraiment le jeu avec la lumière. OK. Ah, c'est le fun. Ben oui. On a aussi Alassania Kiwi qui nous parle dans sa chronique d'une citoyenne du monde à chacun son carnaval. Oui, exactement, parce que Gwendoline a parlé de l'aspect un petit peu plus sombre du carnaval exact. De Rio, tandis que Alassania explique justement que le carnaval s'est fait justement... En fait, elle commence par un souvenir personnel quand elle vivait au Maroc, qui s'appelle le Makfoul, qui est une espèce de carnaval, mais qui se vivait beaucoup en famille aussi. OK. Et justement, pour expliquer le carnaval, elle passe justement de Rio à Québec, parce que Québec aussi a le droit à son carnaval et elle explique un peu les origines de ce carnaval. On adore ça. Du côté des sports, eh bien, on parle de l'équipe des Patriotes Volleyball. On a été victorieuse jusqu'à la toute fin. Oui, je pense que l'équipe victorieuse de l'année chez les Patriotes, pour l'instant, on va voir comment ça va pour le soccer. Mm-hmm. Mais le volleyball, aucune défaite. Et ils ont juste perdu une seule manche dans toute leur partie. Donc, c'est une équipe très victorieuse, en effet. Ils ont gagné le championnat provincial, en plus d'être au premier rang de la division 2 du réseau du sport étudiant du Québec. On adore ça. Tu parlais de soccer aussi. Eh bien, on passe aux choses sérieuses. Oui, là, c'est sûr que c'est sorti il y a une semaine et depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Mm-hmm. Mais c'est que les séries, finalement... Du côté, en fait, c'est surtout du côté des filles parce qu'ils ont eu quand même la saison tonale, ça n'a pas si bien été que ça, mais là, ils ont changé d'entraîneur et là, depuis ce temps-là, on dirait que ça va bien. Parce que là, même que les filles font la demi-finale, ben oui. Aussi les gars. Donc, ça va bien, demi-finale, est-ce qu'ils vont se rendre à la finale? Étienne Lebel-Michaud, qui est notre spécialiste au soccer, nous a expliqué que pour les gars, ils allaient affronter quand même Laval, l'Université ouais, Laval. C'est donc, deux équipes. Oui, paraîtrait que eux, l'Université Laval, ils massacrent les exactement. Équipes. Ils ne battent pas, ils massacrent. Paraît même qu'un match, que c'était 8-0 contre Chicoutimi. Mm-hmm. Donc, mais on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais parce que les gars semblent quand même assez solides. Ils savent à quoi s'attendre maintenant contre l'Université Laval. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, donc, on peut avoir des belles surprises et peut-être que les deux équipes de soccer peuvent rejoindre les volleyballs. Oh, clairement. Ça serait le fun, en tout cas. Ça serait vraiment plaisant du côté des Patriotes. Et on parle aussi d'une athlète en particulier. On parle de Lisa Marie Vachon, qui est une des filles dans l'équipe de volleyball. Oui, exactement. Donc, Lisa Marie Vachon, qui n'a pas eu un parcours facile parce que, en fait, ce qu'on lui disait souvent, c'est qu'en fait, dès qu'elle s'inscrivait au secondaire volleyball, le programme n'était pas aussi perfectionné, mais elle a quand même persévéré quand même au cégep. On lui disait, ben, t'es trop petite pour jouer au volleyball, mais elle s'en foutait. Donc, elle a prouvé beaucoup de détermination. Et là, quand elle est arrivée chez les Patriotes, elle était réserviste. Okay. Jusqu'à temps que l'entraîneur dit, ben, on a besoin pas de 12 personnes, mais de 14 personnes. Donc, elle a pu se rejoindre à l'alignement régulier. Oh, on aime ça. Oui, donc, c'est parcours vraiment de détermination. On parle aussi des Patriotes hockey parce que, bon, on le sait, là, ça fait déjà une semaine que le journal est sorti. Oui. Mais nos Patriotes ont été éliminés, malheureusement. Oui, donc, on parle ça. D'une saison en dents de scie. Bien, c'est pas pour tourner le fan dans la plaie, mais c'est que cette année, on instaure une espèce de concept de oui, on laisse finir la saison de nos, en fait, de nos sportifs, mais on fait un bilan. On fait comme une espèce d'analyse. On va essayer de le faire pour tous les sports. Peut-être au soccer, on pourra pas le faire dépendant de comment le soccer se rend. Mm-hmm. Dans les séries. Donc, c'est ça qui se rend en finale. Notre dernier numéro sort le 11 avril. Donc, ça se peut qu'on arrive serré, mais ça pourrait se faire. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un bilan de l'équipe de hockey qui n'a pas eu une année facile. Oui, il y a des joueurs qui se sont démarqués, mais l'équipe en tant que telle est arrivée 5e de la division Est du réseau, en fait, de la Ligue des sports de l'Ontario. Mm-hmm. Aussi, il y a eu plusieurs maladies. Il y a eu quand même les départs pour, en fait, le Kazakhstan pour les universitaires. Donc, il y a plein de facteurs qui font en sorte que l'année n'a pas été si fantastique que ça pour les Patriotes, malgré une saison qui est quand même pas si pire que ça. En effet, du côté du badminton, eh bien, on parle d'une première victoire d'équipe en 4 ans. Oui, ça aussi, c'est le bilan post-mortem du badminton. En fait, il y a 3 sports qui sont post-mortem dans ce numéro-là. En fait, au badminton, c'est que non, ça n'a pas été l'année la plus glorieuse, mais il y a eu des petites percées par-ci par-là, des victoires d'équipe. Et ça, c'est la première fois depuis que la section badminton existe en 4 ans. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Il y a eu des victoires... en fait, il y a eu une victoire individuelle aussi de la part de Simon Savard. Donc, il y a quand même... Oui, ça prend du temps à bâtir, mais ça a l'air d'être sur la bonne voie. C'est vrai, en effet. Puis, on parle aussi d'un bilan du côté des Patriotes Natation, un objectif qui a été accompli pour eux. Oui, quand même, parce qu'il faut mentionner que Raphaël Roberge et Gabriel Cyr sont allés participer à la compétition canadienne. Ils ont fait leur record personnel. Donc, c'est pas nécessairement des gros exploits sur la scène provinciale ou canadienne pour l'équipe en tant que telle, mais il y a eu plusieurs records personnels qui ont été brisés. Puis, ça n'a pas été facile non plus. Il y a eu beaucoup de recrues aussi. Mm-hmm. Au niveau des pratiques, de la natation, ils ont quand même eu leur lot en fait d'obstacles, mais l'équipe est fiable, c'est le plus important. C'est vrai. On parle aussi des Patriotes à l'international parce qu'il y a Olivier Larouche qui participait à plusieurs événements. On parle d'une saison difficile pour lui. Et ça va bien. Ça va. C'est un journal... positif. Ça reflète l'état de conception du Exactement. Journal. Mais non, ça a l'air... Mais en fait, ce qui est arrivé avec Olivier, c'est que les résultats sont au-dessus des attentes. Mm-hmm. Mais aussi, ce qui est arrivé, c'est que, comme bien des joueurs nord-américains, il y a eu beaucoup de compétitions qui se sont passées en Europe et ceux qui ont eu lieu en Amérique, il y en a beaucoup qui ont été annulés. OK. D'après ce que j'ai pu lire, donc, ce qui a fait en sorte qu'au niveau du classement, c'est un peu plus compliqué. Donc, s'il y avait plus de compétitions en Amérique, il aurait pu faire de meilleurs résultats, sans doute, mais là, à cause de ça, ben, ça... Malheureusement, oui. Et on parle aussi de la chronique En échappée avec Vincent Boisvert. Oui. On parle de la réalité d'un coach. Oui, exactement. Donc, évidemment, on sait que Michel Therrien s'est fait mettre à la porte. Comme tout coach qui voit une saison qui commence à devenir calamiteuse. Exactement. Ce qui était le cas des Canadiens, mais bon, c'est toujours comme ça vers la fin de la saison, il commence bien, puis après ça, push! C'est vrai. Mais finalement, ce que Vincent explique, c'est que pour un coach, c'est pas toujours facile. Il se met en fait dans la peau d'un coach qu'on parle pas souvent, mais qui est important, c'est Marc-Étienne Hubert, mm-hmm. qui est le coach des Patriotes. Donc, il ramène ça au contexte des Patriotes. Donc, c'est quoi la vie d'un... Ben, pas nécessairement la vie d'un coach, mais c'est quoi le contexte? C'est surtout ça. Hein? On pointe souvent l'équipe, mais quand que ça va mal, on pointe le coach. Ouais. Fait que c'est pas tout le temps facile. Non, exactement. C'est beaucoup de pression quand même pour un coach de savoir, OK, mes joueurs sont pas motivés ou ils reviennent sous d'une pratique. Ouais. Ils vous mettent sur la patinoire. Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas déjà arrivé. Non, non, on l'espère pas. Je pense pas. Les Patriotes, ils ont l'air d'être bien disciplinés. Oui, donc, quand même. Ben oui. David, tu nous parlais tout à l'heure qu'on va entendre une des chansons d'un band qui se retrouve dans Zone Campus la semaine dernière, il y a 2 semaines. Oui, en fait, le spectacle, parce que Caroline Fillon parle du spectacle de Robert Fusé et les Chiens Fous. Donc, c'est la pièce tirée de l'album Les Mardis Gras à Hochelaga et c'est une des moins vulgaires de l'album. Oui, donc on vous laisse écouter ça puis on se revient avec la carte bleachée à David. Oui! Visitez cifou.ca. À l'assemblage requis pour toi aujourd'hui. Dernière demi-heure à l'émission en compagnie de David Ferron. Re-salut. Merci David de rester comme ça, d'accepter de semi-co-animer avec moi. Ah ben c'est bien correct, c'est sûr que tu es une bonne animatrice, donc j'aurais pu partir et te laisser le micro tout seul. Merci, c'est gentil. Mais non, parce qu'à la place de ça, on va aller tout simplement t'écouter parler dans ta chronique, Carte Bleacher. Oui. Yeah! Qu'est-ce qui se passe du côté de la carte bleachée? Dis-moi. Encore l'Eurovision. Encore ça l'Eurovision? Ça ne finit plus, mais ça, c'est comme un truc qui ne finira jamais parce qu'il y a quand même 43 pays. 43 pays, il y a plusieurs trucs. Et en plus, on parle beaucoup de la Russie ces temps-ci. C'est vrai. La Russie qui se mêle jamais de ses affaires. Apparemment. Mais c'est la même chose en Eurovision. OK. Ah oui, tout le temps. Ah, comment ça? Tout le temps, parce qu'on sait que en fait, dans une chronique précédente, j'avais expliqué que l'Ukraine et la Russie, c'était pas deux amis. Non, c'est vrai. Au niveau de l'Eurovision, mais même partout dans le monde, on sait qu'est-ce qui est arrivé avec la Crimée en 2014, qui est une région de l'Ukraine qui a été annexée de force par la Russie. Là, ce qui est arrivé, c'est que l'Ukraine, c'est le pays organisateur, et la Russie fait quand même partie des 43 pays. Oh. Est-ce que on se demande est-ce qu'on aurait dû exclure d'office la Russie? Oh, tu penses à ce point-là? Oui. Est-ce que la Russie aurait dû avoir la sagesse de se retirer parce qu'on savait pas si la Russie allait participer ou pas? On n'était pas sûr. Est-ce que ça peut mettre en péril, oui. Pas le résultat, mais juste le concours en son entier? Non, ça peut juste faire chenoute la délégation russe et l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est vraiment pris au piège. Oh oh. À cause de la participante russe. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, la toune est vraiment mauvaise en tant que telle. C'est pas ça le problème. En fait, Mireille Mathieu n'aurait pas renié cette chanson-là. OK. c'est bon à savoir. Oui, mais pas à entendre. Je m'excuse de dire ça. Et malheureusement, la chanteuse, au niveau vocal de ce que j'ai entendu, c'était pas si extraordinaire que ça. Elle a du talent. T'sais, c'est pas une chanteuse, c'est pas une imposteur, mais il y a des meilleures chanteuses qu'elle dans là, la est-ce délégation. Que tu vas nous faire écouter ça ce matin? Là? Non. OK, là, je me dis, il vient de dire c'est pas bon. J'espère que c'est pas une des pièces qu'il nous présente. Non, je vous épargne ça. Il y a plein de tunes que j'aurais pu faire jouer en pot pourri aussi, en montage. Parce oui, c'est que ça. C'est vraiment priceless. Des fois, là, je l'expliquerai. Mais en tout cas, en fait, qui est la chanteuse? C'est Julia Samoilova. OK. Une chanteuse russe et elle a une particularité que les autres participants n'ont pas. C'est-à-dire? En fait, elle est russe. Entre autres, mais je ne sais pas si d'autres russes, parce que des fois, la Moldavie ou la Slovénie, des fois, c'est pas nécessairement des chanteurs locaux. Mettons. C'est vrai, c'est ça que tu expliquais l'autre jour. Ça peut arriver, mais en fait, Julia, qu'est-ce qu'elle a? En fait, c'est une très jolie dame, en fait, qui a l'air très sympathique. En tout cas, je la connais pas personnellement. Mais c'est juste cas, qu'elle chante mal. Ou ben pas juste ça, en fait, elle chante pas mal, mais disons que c'est pas la meilleure chanteuse. OK. Elle pourra pas se démarquer par son chant cette année parce que elle va se faire bouffer par la chanteuse polonaise. Ouh, d'accord. Ça chante. Donc, c'est quoi sa particularité? C'est qu'elle souffre d'amyotrophie spinale. Mon Dieu, d'accord. Oui, ça, c'est une situation qui fait en sorte que ton système, en fait, ta moelle épinière, il y a des problèmes avec, ça s'atrophie, si je me trompe pas. C'est qu'en fait, si je lis selon Wikipédia, c'est que l'amyotrophie spinale est le nom donné à un groupe de maladies héréditaires caractérisées par une faiblesse et une atrophie des muscles. Et donc, ce qui fait en sorte que Julia, elle est en chaise roulante depuis sa naissance parce que ça a l'air qu'il y a eu des complications médicales qui auraient également empiré sa maladie, qui est l'amyotrophie spinale. Donc, ce qui arrive, c'est que la délégation russe décide d'envoyer Julia affronter le camp ukrainien. Et le camp ukrainien n'est pas content. Ça doit pas, hein? Non, parce que ce qui arrive, c'est que Julia aurait chanté en Crimée. OK. Et la Crimée, on sait que c'est un une région ukrainienne qui a été annexée par la Russie, donc ce qui est une région russe. Et ça a l'air que, selon la délégation ukrainienne, Julia serait très pro-russe. Et qu'en en fait, il y a un règlement qui dit en Ukraine que si t'as été chanté en Crimée ou n'importe quoi, que t'as été en Crimée, t'as pas le droit d'aller à l'Ukraine. Oh, OK. Donc, Julia se retrouve avec ce problème-là. Son étude de cas, en fait, le cas est étudié par la délégation ukrainienne pour voir si elle peut ou pas, mais ça a l'air que le papier disant qu'elle n'a pas le droit d'y aller serait déjà prêt. Oh. Mais de le mettre en vigueur, il y a un pas. Et là... L'Ukraine, pourquoi ça l'amène un petit peu dans la... Parce que si elle expulse Julia, ben il dirait, ah, ben c'est des sans-cœur ben, qui expulse quelqu'un qui est en chaise roulante, ça se fait pas, c'est dégueulasse. Mais en même temps, les Ukrainiens qui veulent que la loi soit appliquée à la dure vont dire, ben pourquoi elle serait exceptionnelle à ce point-là qu'elle puisse faire l'Eurovision. Donc, l'Ukraine est vraiment pognée avec ça. Mais là, la Russie, ils ont-tu comme un backup plan si jamais il arrive quelque chose avec elle? C'est ce qu'on aurait pensé, soit se retirer ou soit d'avoir un backup plan. De façon, la Russie, c'est un pays tellement large qu'il y a quand même plusieurs vedettes aussi. Là. OK. Fait qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui serait délégué à y aller. Peut-être, mais là, je pense qu'il est un peu trop tard aussi parce que il y avait jusqu'à lundi pour envoyer les tunes avec l'artiste. Donc là, non, je pense pas. Je pense que le retrait serait une meilleure décision. Puis revenir plus fort aussi, de revenir plus préparé aussi, avec une chanson qui est forte aussi. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on fait ça vraiment à la dernière minute, là. Ou je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas une chanson qui est très forte. Mais en fait, la Russie fait toujours des tunes quintettes de toute façon. OK, ouais. Aussi, ce qui arrive, c'est que si Julia ne se rend pas en finale, ben, on pourrait lui dire, ah, ben, c'est la faute des Ukrainiens qui ont fait de la pression. Ben oui. Pour pas que Julia se rende en finale. Je veux dire, il y a eu de la pression aussi, donc... Oups, excusez-moi. Ça va. En fait, il y a eu... c'est ça, c'est vraiment... C'est compliqué parce que la toune... Habituellement, la Russie, c'est toujours dans les tounes favorites des fans. Mais là, cette année, non. À cause de ça? Pas à cause de ça, mais c'est parce que sa toune n'est pas vraiment bonne. OK. Et au niveau du chant, c'est pas... En fait, elle chante pas mal. Tu sais, c'est pas une mauvaise chanteuse, mais elle se démarque pas. Là, je me sens mal de dire ça, là. Elle est en chaise roulante d'avant. Ah! Mais moi, je m'en fous qu'elle soit... Tu vois, j'ai de l'empathie! Ben, moi, j'en ai dans le sens que je me fous de son handicap et j'évalue ses capacités en tant qu'artiste. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est ça. Il y a ce problème-là. Il y a aussi les autres participants, parce que la dernière fois que j'avais parlé de l'Eurovision, il y avait juste une vingtaine. Oui. Et c'était pas très fort. Non, c'est ça que tu disais. Mais là, il y a d'autres tunes pas très fortes qui sont arrivées, mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres qui sont arrivées, puis c'est comme, waouh, ça fait 2017. Enfin, et là... Les pays favoris, étrangement, ça a l'air des vieux pays. Quand je parle de vieux pays, c'est des pays qui participent depuis longtemps et longtemps. À l'Eurovision. Exactement. Donc, comme l'Italie, la Belgique, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné. Ouh, ça fait longtemps. Et là, on le met dans les gagnants possibles. OK, toi, tu le mets dans ton top 3, ben, top 5? Je sais pas encore. Ça va dépendre aussi de la... Parce que sûrement en course automobile, dans n'importe quel sport, il y a des paris. L'Eurovision aussi, il y a des parieurs. OK. Mais les parieurs, des fois, ils se trompent. Ça se pourrait qu'ils se trompent parce que, selon la mise en scène, ça se peut qu'un pays se classe pas comme l'année passée. La Belgique était vraiment au tréfonds de ce classement, mais une fois qu'ils ont fait la générale, la Belgique, là, ça a remonté parce qu'ils ont vu que la mise en scène était assez efficace. C'est meilleur, oui. Oui, la même chose aussi avec les Pays-Bas en 2012 que... non, pas en 2012, 2014, l'année de Conchita. Oui. Mais ça, j'en parlais une autre fois de l'exception Conchita en Autriche, en tout cas. Ah, d'accord. Ça, c'est un cas particulier parce que, en fait, c'est ça, c'était le Pays-Bas arrivé avec une toune country. Folk country, mais est très bonne. Faudrait, si on a le temps, on pourrait la jouer. Okay, c'était ouais. Common Line Nets. Et c'était un duo folk. Ça ressemblait un peu, c'est du White Stripes, mais soft un petit peu. Okay. Tu sais, c'est le genre de truc qu'on voit aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas genre country keten. Ce que je m'excuse de ça, parce que t'es une. Ah non, mais ça va, j'aime pas nécessairement plus le country keten. Mais c'est ça, c'était du folk vraiment agréable. La mise en scène, qui est très sobre et quand même assez efficace. Donc, ils sont arrivés deuxième et on les précisait pas tant que ça, si haut que ça, là. Okay. Donc, si on voit, mettons, dans Eurovision Bettings, il y a aussi plein de trucs. C'est ça, la mise en scène. Est-ce que la personne fausse, finalement? La Croatie qui était haute, mais finalement, qui est arrivé finalement 22e ou en fait dans le tréfonds du classement l'année dernière parce que la mise en scène était cheap, vocalement c'était pas au point. Donc il y a plein de trucs qui font en sorte que ben c'est comme n'importe quoi, je veux dire dans les sports on peut mettons miser sur l'FC Barcelone puis ça pourrait après se planter, tu sais, ça pourrait arriver. Ben oui, c'est là. Sûr. Ça pourrait, tu sais, je veux dire qu'il y a une équipe plus forte qui bat le c'est bien l'FC Barcelone, c'est bien ça le nom de l'équipe de soccer, ben c'est ça. C'est la même chose en Eurovision. Je comprends. Tu sais, des batailles politiques et tout ça. Mais c'est surtout ça, hein? Ça, la politique semble être prise dans ce concours-là, pas mal plus que dans n'importe quel autre concours un peu partout. Oui, exactement, parce que c'est quand même 43 pays aux réalités différentes. Puis c'est sûr qu'aussi, là, on en parle, puis c'est gros, mais dans le reste des autres pays, ça se passe bien, là. Ben oui. À moins que Marine Le Pen soit là en France. Okay. Ça pourrait canarder les chances de la France. C'est plate à dire. C'est vrai. Mais ce qui est arrivé en Grande-Bretagne en 2003, qui a eu 0 point. Pas vrai? 0 point. À cause de ça? Entre autres, mais tu sais, aussi, ils ont faussé aussi. Ah, mais, c'est ça, ils sentaient mal. aussi, mais ce qui est arrivé, c'est que c'était l'annonce que la Grande-Bretagne a envoyé ses soldats en Irak. OK. Peut-être que ça aurait pu. On le sait pas encore. On sait pas c'est quoi les raisons exactes de pourquoi ça... Ça n'a pas bien été sur scène, mais il y a des rumeurs qui diraient que le fait que la Grande-Bretagne envoie des soldats en Irak n'aurait pas aidé. Finalement, le pays qui reçoit a pas mal un peu un droit de pouvoir quand même assez grand sur les résultats. Là. Pas nécessairement, non. C'est vraiment, en fait, c'est la situation politique peut aussi avoir une influence aussi. La Russie, en 2014, c'était l'année où on a vraiment... en fait, renforcer les lois anti-gays. OK. Donc, les jumelles qui chantaient, qui avaient 17 ans, se sont faites huer. Oh, tant que ça. Et l'Ukraine est arrivée plus haut que la Russie. Wow. Ah, c'est ça qui est le fun dans l'Eurovision. C'est tout. On sait jamais qu'est-ce qui va se passer. À cause de la politique internationale. Oui, entre autres. Puis aussi, un pays qui se démarque, un petit pays qu'on connaît pas. Puis, oups, c'est un gagnant. C'est le fun dans ça, là. Ben oui. Est-ce que tu nous présentes aujourd'hui dans les pièces que dans les trois pièces que tu as présentées, des pièces qui pourraient se ramasser? Oui. Ah ouais? Et c'est des bonnes tunes pour l'Eurovision. C'est pop, c'est sûr. OK. Faut s'attendre à ce que ça soit de la pop parce que c'est de l'Eurovision. Ben oui. Oui, c'est déjà arrivé qu'il y ait du punk, du heavy metal ou du rock, mais c'est plus rare. OK. Mais c'est quand même des trucs qui sont quand même bien, tu sais. Les trois que je vais vous présenter, c'est trois femmes, trois chanteuses et vraiment des belles surprises. La première, c'est la Belgique Blanche. Oui. Si vous aimez le dernier album de Cœur de Pirate, Rose, vous allez aimer City Lights, c'est sûr. Okay. Ça fait vraiment, moi, ça me fait penser à Carry On. OK, OK. Carrément ça. Le clip aussi, qui est vraiment simple, qui a été tourné dans une école secondaire en pleine nuit, est vraiment cool. C'est juste, dans le fond, un faisceau de lumière qui traverse, mais c'est bien fait, c'est bien pensé. Et on l'a prédit parmi les gagnantes. Et même qu'un exploit qui s'est jamais fait, c'est que la Belgique est divisée en deux. Un peu comme le Canada. Ben, il y a comme trois parties, mais deux principales parties. Mm-hmm. La Wallonie, qui est francophone, et la partie plus où ce que les Flamands, qui est néerlandaise, si je me trompe pas. D'accord. Donc, Blanche étant Wallonne, elle a eu sa chanson qui a été dans le top wallon, flamand, je veux dire. OK. Donc, c'est la première fois qu'un pays, parce que, en fait, la Belgique, c'est assez particulier. C'est que d'une année à l'autre, ils alternent. Donc, un pays, c'est un représentant wallon et l'autre, c'est un représentant flamand. Ah, OK, c'est donc, bon. Elle était wallonne. Cette année, c'était au tour des wallons à être représentée. Et sa chanson a été dans le top flamand. C'est la première fois que ça arrive qu'un pays d'un... En fait... qu'une pays d'une région belge traverse l'autre. Oh! C'est la première fois c'est que fort. Ça arrivait. Oui, c'est un aussi dans les top iTunes, dans les téléchargements, ça a été dans le top 3 aussi un certain temps. Que ça, là. Même avant que l'Eurovision ait lieu. Oh, ça, OK, fait que c'est très, très bon. Là. À part la Suède, il n'y a pas grand pays à qui ça arrive. OK. Donc, c'est vraiment exceptionnel. On va pouvoir l'entendre. L'autre chanson, c'est Skeletons de Diage. C'est une Afghane. Mm-hmm. J'avais déjà présenté une de ses tunes à l'époque qu'elle faisait une carrière avec son groupe Diage. OK. Et ça s'appelle Skeletons. Là, faut faire attention parce qu'elle a un petit accent. Puis là, on a l'impression d'écouter I am Skeletons avec un S. Donc, okay. Je suis des squelettes. Ce qui serait bizarre, mais en fait, c'est I have Skeletons. OK. En fait, j'ai pas trop compris la métaphore de la chanson parce qu'elle dit comme quoi une situation compliquée. Qu'elle traîne ses squelettes et que le gars, ben, beau de traîner ses millions et ses reins, mais il y a quelque chose qui marche pas. Ah! C'est assez particulier. Le clip aussi est un peu glauque. Ça fait penser un peu à Riverdale, tu sais, le petit côté sombre, genre... mystérieux. Oui, exactement, avec voiture abandonnée. C'est très brumeux. OK. Très bleu aussi. Ah. Brumeux et bleu, mais c'est vraiment... C'est une belle surprise parce que moi, les tunes d'Azerbaïdjan, habituellement, je les haïs. OK, puis là, t'aimes ça. Oui, c'est assez particulier. C'est une artiste qui est plus underground. Habituellement, là, c'est plus radio-friendly, mais ça sonne comme du Ostra. Ah, OK, c'est bon. Si vous aimez Ostra, vous allez sûrement aimer ça. C'est vraiment de la pop un peu actise, mais bien fait. Ah, ça, on aime ça. Oui. Ben oui. Et l'autre, c'est Artsvik, chanteuse arménienne qui va nous chanter Fly With Me. OK. En fait, on a fait beaucoup, beaucoup de buzz avant la sortie de la chanson parce que l'Arménie a fait une grosse télé-réalité pour dénicher le représentant arménien. OK. Et là, on disait que ça allait être une grosse chanson parce que les auteurs-compositeurs derrière la chanson ont écrit pour la chanson représentant 2014 qui s'est classée 4e et de l'année dernière qui était 7e. Donc, des auteurs-compositeurs qui ont fait leur preuve. Ouais, c'est ça. Là, présentement, c'est très déchiré. Il y a des gens qui détestent la toune comme il y a des gens qui l'aiment. Oh, OK. Mais comme quelqu'un dirait, vaut mieux une chanson qui divise qu'une chanson que le monde fasse comme correct. Ouais, c'est ça. Donc, on ne sait pas. Ça sonne très trip-up, un petit peu psy-trend. Ça sonne un peu bar bouddhiste, un peu. Ah, OK. Mais les paroles... Genre bar de chicha, là. Oui, exactement. Okay. Il y a un petit côté comme ça qui est vraiment agréable, mais les paroles sont vraiment niaiseuses. Ça, on se concentre pas sur les paroles. OK. Parce que tout ce que ça dit, c'est qu'on peut s'envoler vers l'amour. Ah, oh, mais c'est si bien dit. Fait que là, on va commencer avec Blanche qui vient de Belgique. Oui. Puis on va revenir après tout ça. Oui. Excellent. Hein? Yeah. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city light. I could never beat storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between in the city light. All we are is you. The stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Standing in the mirror lane, wondering what David? Cette séance de méditation, de yoga, trompée, au sauna, vous est présentée par Artvix et sa pièce Fly With Me. C'était tellement bon, je oui. dois avouer que j'ai adoré les trois pièces que tu nous as présentées ce matin. Oui, ça c'est vraiment, parce qu'il y a trois semaines, je craignais le pire, ouais, mais là, ça. Après ça, bang, j'aurais voulu présenter, en fait, les autres pièces, à part Advix et Fly With Me, c'était Diage et Skeletons. Et c'était précédé de Blanche avec City Lights. C'était excellent. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces trois pièces-là, ces trois chanteuses-là. Ben oui, c'est pas mal les trois meilleures tunes parce que le reste, c'est correct, mais ça va juste être drôle sur scène en demi-finale. Oh, c'est vrai, j'ai hâte de voir ça. Tu vas nous tenir au courant, là. Ben, ça va dépendre parce que c'est au mois de mai. Ah, ben en revenant à la session prochaine. Peut-être, on va voir. Ou à moins que je fasse une mission spéciale. Tu préfères ça. Ah, émission spéciale Eurovision. Ah non, je pense pas. Il y a plein de musiques du monde aussi. Il faut pas négliger ça non plus. Là, c'est vrai qu'il y a 200 millions de personnes qui regardent l'Eurovision, mais il y a pas juste ça dans la vie. Ah non, je suis d'accord avec toi. Pour nous, c'est déjà la fin de l'émission, mon Dieu. Déjà. Un petit peu plus tard sur nos ondes, eh bien, à 10h, vous avez le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante qui va être en rediffusion parce que vous l'aurez deviné. Malheureusement, Mathieu Plante n'est pas là aujourd'hui. Par la suite, à midi, on va avoir Connaître ensemble, une émission sur la périnatalité. Palmarès, c'est fou, un petit peu plus tard dans la journée, ça va être sans moi, malheureusement, en ondes parce que je dois quitter la station plutôt rapidement aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une émission avec des nouveaux palmarès. Vous allez entendre de nouvelles pièces. C'est déjà monté comme émission, donc vous allez pouvoir entendre ça un petit peu plus tard dans la journée. Par la suite, à 19h, ça va être Réanimation, Matière noire par la suite. Et j'espère que vous allez avoir du plaisir sur nos ondes toute la journée. Pour nous, c'est déjà la fin, mais on se dit... Ben oui, on n'a pas le choix de se dire ça, là. On se dit à demain matin, 7h30. Bonne journée et surtout, bon café! Bye, David! Bye, bye, Tania! Merci! Bye! Bye, bye!